is it? On vous l'a vendu facile, un pouce bleu pour exister. Le regard dans l'écran, le cœur en mode automatique. Ils veulent des visages vides, des pauses, des vues, des clics. Des gamins qui se comparent jusqu'à se manger leur réplique. Le salon devient tribunal, tout le monde joue la vitrine. Même les rêves ont un filtre, même les larmes font la routine. Tu scrolles pour oublier, tu perds l'heure et le visage. Les poches pleines de notifications, la tête pleine de mirages. Ça tourne dans leur boucle qui t'endort. Ça vend du vent, ça vend du vide et ça te dit que c'est fort. Ça tourne jusqu'à te laisser sans peau. Un million de faux contacts et personne dans le cerveau. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. On m'arrache le vide encore. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. Ils nous veulent sans décor. La génération se compte en secondes et en réaction. Confond l'envie d'exister avec l'envie d'attention. Des rois d'un jour, des zéros, des couronnes en plastique fin. Tout le monde crie sa chance pendant que le fond se vide bien. Les idoles ont des dates et les dates ont des sponsors. Le talent passe en bas sous des titres qui font du bruit dehors. Tu veux du vrai, ils te servent du spectacle en capsule. Des cœurs noirs sur fond rose et des cerveaux qui capitulent. Ça tourne dans leur boucle qui t'endort. Ça vend du vent, ça vend du vide et ça te dit que c'est fort. Ça tourne jusqu'à te laisser sans peau. Un million de faux contacts et personne dans le cerveau. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. On mâche le vide encore. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. Ils nous veulent sans décor. J'ai vu des frères devenir pubs, des sœurs devenir slogans. Des peuples parler par slogan comme s'ils pensaient coûter trop cher. Mais sous la poudre et les filtres, y'a encore des vrais regards. Des mains qui cassent la boucle, des voix qui refusent le départ. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. On mâche le vide encore. Élevé par TikTok, élevé par TikTok. Ils nous veulent s'en écorcher.